enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissent mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fadjet Nancy 94.2. Daniel entre votre compagnie, Yves à la technique, pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. La programmation de ce jour comprend du zouk antillais, ben ça c'est une tradition, une balade autour du mot marteau. Pourquoi marteau? Ben pourquoi pas, hein. Une évocation d'un pays africain, cette fois le plus petit, aujourd'hui le Togo. Et puis deux coups de chapeau à feu Chatterton. Dans l'immédiat, place au zouk. D'origine martiniquaise, Talina débute sa carrière de chanteuse en participant au spectacle de Sonny Cole. Et puis à l'âge de 16 ans, elle intègre la chorale de son quartier. Et c'est à partir de ce moment que tout va changer pour la jeune parisienne. Oui, Talina. Ça va, ma fille? Ça va, papa. Pas trop stressé? Non, ça va. Ça me rappelle des souvenirs. Ah oui? Ma fille qui a grandi. Je suis heureux pour toi. Je suis heureuse aussi, papa. T'es prête? Oui. De ma vie, c'est toi Je t'aime tant, tu es l'âme de ma vie. Oui, je te dis oui. Le Togo, ben le Togo, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest situé dans le golfe de Guinée. Les pays voisins sont le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso. Et la population du Togo est estimée à l'heure actuelle à 8 millions de Togolais. La capitale, c'est Lomé avec 700 000 habitants. La langue officielle, c'est le français. Mais il existe deux langues nationales, l'évé et le kabyé. Je voudrais revenir sur la prononciation de l'évé. E accent aigu, W et accent aigu. Ça se prononce bien évé et non pas éwé comme on l'entend fréquemment quand on parle de cette langue-là. Non, non, ça n'a rien à faire avec les Américains. L'évé, c'est l'évé. Voilà. Elavo, Fifi, Rafiatou. Et là, Premier coup de chapeau à Feu Chatterton. Feu Chatterton, c'est un groupe de rock originaire de Paris. C'est un groupe qui a été fondé en 2011. La plume d'Arthur, Arthur c'est le chanteur du groupe, est directement inspirée de Serge Gainsbourg, Léo Ferré, Barbara, Alain Bachung et Jacques Brel, la Malinche, Feu Chatterton. Madame, je jalouse souvent qui vous caresse prestement la joue. Des provinces andalouses et panaméricaines, souvent suaves et si doux. Madame, je jalouse. Madame, je jalouse souvent qui vous caresse la joue en ces provinces andalouses. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Quand je reste à Paname. Chaque missive la vois-je, à chaque missive la vois-je. Je crains de vous causer l'ennui, et cette attente comme un missile endolorit ma tête, vois-je, vois-je. Endolorit ma tête, vois-je, vois-je. Que deux fois passe le jour et vienne la nuit, passe le jour et vienne la nuit. Me reviennent toi sur l'autre rive et tu avec un autre. Les choses nous échappent, pourquoi les retenir par le bout de l'écharpe. Si tu te venir étrange, étrange l'un à l'autre, au cou le souvenir étrange, et je reste à Paname. Tu sais de mémoire ancienne te méfier des braves, de leur soif inopportune. Combien de lâches sont venus ici courir chimère à coups de fusil. Ivres de gloire ont-ils pensé que ton cœur serait conquis, percé de flèches et de rancœur, comme tes côtes mexicaines de Malinche, de Malinche. Il n'y en aura qu'une. À suivre une chanson extraite de l'album Dans mon hamac en 2009. C'est une dernière chanson, une des dernières chansons de Georges Moustaki. C'est également en 2009 que Georges Moustaki monte sur scène à Barcelone et explique au public que ses problèmes respiratoires ne lui permettent pas d'assurer le concert. Balade autour du mot marteau, le marteau d'or, Georges Moustaki. J'ai roulé ma bosse sur tous les chemins, quand un jour la chance m'a fait trouver enfin un marteau d'or, un marteau d'or. Il brillait comme une couronne sous le soleil de midi. Que le bon Dieu me pardonne, il venait du paradis. Ce marteau d'or, ce marteau d'or. Je vois ma vie qui se transforme et j'y prends goût à nouveau. Tous mes rêves prennent forme grâce à ce sacré marteau. Ce marteau d'or, ce marteau d'or. Tout à coup, voici un homme, un fusil entre ses mains. Il me dit, il y a mal d'hommes, c'est à moi qu'il appartient. Ce marteau d'or, ce marteau d'or. Oh mon Dieu, il faut me comprendre, le ciel en était témoin. Je voulais seulement me défendre, mais je serrai dans mes poings. Ce marteau d'or, ce marteau d'or. Il tomba sans connaissance avant d'ajouter un mot. Mais au milieu du silence, j'entendis comme un écho. Ce marteau d'or, ce marteau d'or. C'est à qui perd gagne que j'ai joué mon sort. J'ai perdu mon âme car un homme est mort pour un marteau d'or. Retour au zouk. Un zouk de 2017. Mouine Yassé, Muriel. C'est pas première fois j'ai découvert que tout le monde j'ai qu'à parler. Encore une fois, le monde qui a passé, tout le monde qui a baissé ses yeux. We'll be right back. Le Togo, notre voyage au Togo, le Togo, le plus petit pays d'Afrique. Il faudra prendre le temps d'apprécier en randonnant le fabuleux paysage du plateau de Danil au centre du Togo. Il faudra explorer la région de Palimé, sa nature foisonnante, ses forêts, ses cultures, ses cascades. Il faudra explorer la région de... découvrir le pays de Tamberma au nord du Togo et l'étonnante architecture de ses maisons forteresses. Lomé donc c'est la capitale, entre monuments grandiloquents et ruelles de sable qui lui donnent de faux airs de village, lagunes, plages hérissées de cocotiers, immenses marchés de plein air et bars de rue. Le lac Togo également, paisible lac de lagune, bordé de villages de pêcheurs, refuge de nombreux oiseaux comme le pélican gris. Togoville, au lieu du vaudou, la modeste, quand je dis modeste, c'est par dérision bien entendu, la modeste maison royale, résidence de son Altesse royale, la cathédrale à l'intérieur coloré, le couvent vaudou et les fétiches. Anneho, ses maisons coloniales délabrées, le long de sa lagune, sa plage bordée de cases de pêcheurs en bois de feuilles de palme, maison blottie sous les arbres. Région des plateaux, région luxuriante et agricole, une nature foisonnante, des collines verdoyantes, des cascades, des forêts de quoi ? Des forêts de teck. Des cultures et des paysages fabuleux, parmi les plus beaux du Togo, Noni Vincédé. Cette chanson, c'est pour toutes les mères, toutes les femmes, Pro Music Design. Coup de pouce, chaîne de l'espoir, nord-sud. Allez, bien, bolo. Comment te remercier? Comment? Thank you, merci, Abi. Abi, nanoni lolo. Thank you, merci. Merci. Deuxième coup de chapeau à Feu Chatterton. Alors, il a été distingué beaucoup de fois, ce groupe-là. Finaliste du prix Talent W9 en 2016. Nomination aux Victoires de la Musique pour la victoire du groupe ou artiste révélation de scène. Et puis le Grand Prix de la SACEM 2016. Prix Francis Lemarque de la Révélation, l'oiseau Feu Chatterton. Au bord de l'eau, un pigeon défunt. Pour un oiseau, mais quelle drôle de fin. Sur la plage, échoue sans cesse. Je t'ai parlé vague, échoue sans cesse. Là-bas, à présent l'orage dort sous la grève. Tout gorgé d'eau, le sable s'élève. Puis c'est l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas. Reposé, viens là. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautour. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautour. Arrive-t-il d'un pays lointain? Se volatile au regard éteint. Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire rétive. Alors du temps qui passe, je remonte le cours jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver des plumes. Souvenir de plus du pauvre oiseau reconnu. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vaudou. Je te mets à abri des longs doigts lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Rien que je te mette à l'abri des longs doigts lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, épine cruelle remords, infatigable oiseau moqueur. Pigeon de mon cœur, épine cruelle remords, infatigable oiseau. Une voix qui distille un propos doux amer, où la désespérante lucidité laisse transparaître la tendresse et l'amour de la vie. Oui, c'est notre balade autour du mot marteau, et Yvan Dautin jongle avec les mots pour penser les mots. Ben oui, si je vous dis ça comme ça, vous comprenez rien du tout. Alors, je vais essayer d'expliquer. Yvan Dautin jongle avec les mots, M-O-T-S. Pour penser les mots, M-A-U-X, les maladies, entre le marteau et l'enclume, Yvan Dautin. Entre le marteau et l'enclume, on a forgé le forgeron, on a rayé d'un trait de plume, c'est très tiré par le charbon. Sa veuve est celle qui s'enrhume, à quatre fers sous les talons. Elle a souffert, mais l'amertume rendit boiteuse cette liaison. Entre le marteau et l'enclume, on a forgé le forgeron, on a rayé d'un trait de plume, s'est étiré par le charbon, fouette cochée dans son costume, le corbillard est un violon, ainsi que le veut la coutume, il fait le mort, plus de chansons. Entre le marteau et l'enclume, on a forgé le forgeron, on a rayé d'un trait de plume, s'est étiré par le charbon, sa veuve est seule et qui s'enrhume, porte des fleurs, triste moisson, elle a souffert, mais l'amertume rendit douteuse cette souillon. Entre le marteau et l'enclume, on a forgé le forgeron, on a rayé d'un trait de plume, s'est étiré par le charbon. À cheval fou, voici la brume qui mord encore le canasson, qui va piétinant les légumes, les herbes folles et les chardons. Entre le marteau et l'enclume, on a forgé le forgeron, on a rayé d'un trait de plume, s'est étiré par le charbon. Sa veuve est celui qui s'enrhume, à quatre fers sous les talons. Elle a souffert, mais l'amertume rendit boiteuse cette liaison. Je me rappelle encore de notre premier rendez-vous, car tu étais tellement sensuel. Je me rappelle encore de la première fois où nos regards se sont croisés. C'est un zouk réto, un zouk de 2004, après Moftan Imani. Nos regards se Il est l'heure de vous demander si vous avez une petite faim, ben pourquoi pas. Gastronomie et spécialité togolaise. Tout d'abord, la pâte akoumé. C'est une pâte à base de mil ou de maïs. Le foufou, j'ai bien dit le foufou. Une pâte d'igname, de manioc ou de banane plantain à manger en sauce claire avec du poisson, de la viande de bœuf ou du poulet. Le boma des scies, en fait. C'est un mélange de mouton, poisson séché, agrémenté de crabes et de crevettes. Le havlo, alors ça là, ce sont des galettes de maïs cuites à la vapeur, et c'est à manger avec des tomates, un peu de piment vert, des oignons écrasés et du poisson frit. Et puis un peu plus surprenant, les beignets de haricots. Ouais. Bon, ben ça peut être bon, hein. Le jekun, bouillon de viande, farine de maïs, viande. Le tout accompagné de piment vert, oignons écrasés et légumes. Le fromage à croûte rouge, frit. Et à boire avec modération, le tchoukoutou, une bière épaisse que l'on boit dans une calebasse. Faut pas rêver, dit Quarel. La mer chantait au clair de lune, le requiem d'une idylle de fortune. Idylle qui à peine ébauchée s'apprête à finir. La plage tout à coup s'assombrit. Le chant timide d'un tam-tam me murmurait d'une voix douce infâme qu'à 15 ans révolu. Pour qu'il nous reste un souvenir, je l'ai laissé me voler un baiser. C'est avec un douloureux sourire que je lui dis il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Amour éphémère au goût de mystère. Il ne faut pas. Il ne faut pas rêver. Je fais semblant de ne pas croire que le vide a voilé son regard, que de l'insouciance jaillirait tant de conscience. Elle a mûri l'espace d'une soirée dont pourtant l'ivresse et la magie nous ont littéralement enchantés. Mais où diable est donc passé l'oubli? Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Amour éphémère au goût de mystère. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Royaume des chimères, conflit aux enchères. Il ne faut pas rêver. Info. faut pas rêver. Voilà maintenant l'histoire d'un tube international. Cette chanson a été créée en 1949 aux États-Unis sous le nom de If Had a Hammer. Interprétée par les Tisserands, elle fut reprise plus d'une décennie plus tard, en 1962, par un groupe américain folk, Peter, Paul et Mary. En 1963, Trini Lopez l'enregistre à son tour. Elle arrivera en France par Claude François, qui co-signe l'adaptation française avec Vlyn Buggy, un succès repris la même année par les Surfs de Madagascar, Si j'avais un marteau, Claude François. Je cognerai le jour, je cognerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur. Je bâtirai une ferme, une grange et une barrière, et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait de bonheur. Tout le monde chante encore. Je sonnerai le jour, je sonnerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur. Pour le travail à l'aube et le soir pour la soupe, j'appellerai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. On chante tous en cœur. J'achanterai le jour, j'achanterai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur. En retournant la terre pour alléger nos peines, j'achanterai à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. Tout le monde chante encore une fois. Et si j'avais une cloche, puis si j'avais une chanson à chanter, je serais le plus heureux. Je ne voudrais rien d'autre qu'un marteau, une cloche et une chanson. Pour l'amour de mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. C'est le marteau du courage, c'est la cloche de la liberté. Mais la chanson c'est pour mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, pour moi c'est le bonheur, c'est ça le vrai bonheur. Si j'avais un marteau, si j'avais un marteau. Que ramener du Togo à l'artisanat togolais, jouit d'une très grande réputation parmi les plus courants. On notera les masques, les petites statuettes stylisées en bois d'ébène, les sculptures en bois et de nombreux objets usuels sculptés dans des bois précieux, l'ébène, l'acajou ou l'iroko. Ah, deux mots sur l'iroko. Eh bien, si vous voulez voir de l'iroko, c'est très simple. Vous allez à l'amphithéâtre de Grand. Lorsque l'amphithéâtre a été découvert, puisqu'il avait été enseveli, bien entendu, on a trouvé de la pierre, bien sûr, ce qui faisait les marches, très friable, très sensible. Et on s'est posé la question, et on a répondu tout de suite, il fallait les recouvrir, ces marches. Et les marches de l'amphithéâtre de Grand sont donc recouvertes avec du bois d'iroko, qui a la faculté de devenir gris en vieillissant. Cela dit, il se dilate aussi, ce qui signifie qu'il y a aussi des problèmes. Retour au Togo. On ramènera aussi des batiks, qui sont des peintures sur étoffe. Une calebasse décorée ou transformée en luminaire. Des tissus aux motifs très colorés. Des articles de vannerie, alors très décoratifs. Et n'oubliez pas une petite bouteille de Sodabi, liqueur obtenue par la distillation du vin de palme, à consommer avec modération. On dit que le Sodabi rend fou. L'Alem Akofa Akusa. Dernière chanson de la balade autour du mot marteau, et dernière chanson également de Patchwork numéro 12, Marteau Piqueur. L'interprète, le maréchal Papillon, est un musicien camerounais. Sa touche personnelle a été d'intégrer le sakissa dans le rythme makossa, ce qui permet d'obtenir de nouvelles sonorités. Ambiance, Marteau Piqueur, maréchal Papillon. Baby. C'est ainsi que prend fin Patchwork, qu'il me reste à remercier Yves pour la régie technique et vous, les auditeurs, pour nous avoir écoutés. N'oublions pas que la musique s'exprime dans tous les pays du monde, ainsi que dans toutes nos régions, et pas seulement aux États-Unis. Soyez les bienvenus sur notre page Facebook intitulée « La cerise sur le canto-patchwork »,